Ça me chatouille encore dans la tête. Michel Robichaud et ses beaux mystères à Sentier Secret, mardi 3 mars à 10h. Bonjour, si vous êtes originaire du Mali ou si vous avez visité le Mali dans votre vie, cette émission va particulièrement vous intéresser puisque je vous présente des artistes maliens aujourd'hui. Entendre c'est Shooting the Statues, c'est tiré du film Timbuktu, le film du réalisateur Abderrahmane Sissako. L'émission débute avec une femme qui a dû défier l'autorité paternelle pour devenir une des chanteuses maliennes les plus réputées au monde, Fatoumata Diawara. Il y a un lien avec ce qu'on vient d'entendre. Mais d'abord, je vais vous dire que la chanteuse Fatoumata Diawara est réputée, reconnue dans sa famille et dans le milieu du spectacle pour avoir un caractère en acier trempé. Elle dit d'ailleurs dans une entrevue qu'il faut qu'elle ait un tel caractère pour réussir à survivre dans le milieu du spectacle. À propos de son œuvre, elle a dit ce qu'il suit. Ce qui est original dans ma musique, je pense que c'est le mélange un peu de soul, de funk, de reggae, de traditionnel. Moi, j'appelle ça le folk wasulu. Mais on va l'entendre, mais dans une chanson tirée du film Timbuktu du réalisateur franco-mauritanien Abderrahmane Sissako. C'est un film qui a remporté le César du... C'est-à-dire que lui a remporté le César du meilleur réalisateur pour ce film. C'est un film qui a été récompensé de 7 Césars cette année. Timbuktu, où le chagrin des oiseaux évoque le drame vécu par la population de Timbuktu et de ses environs sous l'occupation des extrémistes... des islamistes entre 2012 et 2013. Après avoir entendu Fatoumata Diawara dans la chanson Timbuktu Faso, on va entendre le vieux Farkatouré. Vieux Farkatouré, c'est le fils de Ali Farkatouré. Il a sorti un album en 2013. Un album qui s'intitule « Mon pays ». C'est une chanson de cet album-là qu'on va entendre. C'est un album qui était composé en partie au Mali pendant justement la guerre dans le nord du pays. Il a fait ses armes premières, vieux Farkatouré, derrière des percussions à l'Institut national des arts de Bamako. Et il s'est mis secrètement à pratiquer l'instrument de son père en 2001. Mais il lui a avoué quand même assez tardivement dans la vie de ce dernier qu'il avait décidé de vivre de la musique. Lui le père, Ali Farkatouré, voulait que son fils aille plutôt dans l'armée, qu'il fasse plutôt une carrière militaire. Quand vieux Farkatouré a annoncé à son père qu'il allait sortir un album, son père s'est finalement résigné, puis il a même participé à cet album, il a même chanté, il a même joué dans quelques titres avec lui. Il a comme pour ainsi dire, adober son fils. Mais on va l'entendre dans une chanson qui s'intitule Safari, et c'est tiré, je vous l'ai dit, du dernier album, l'album Mon pays. D'ailleurs, vieux Farka Touré a beaucoup de préoccupations envers son pays. Il y retourne régulièrement, même s'il vit désormais à Paris, il y retourne régulièrement pour essayer de faire en sorte que les choses s'améliorent au Mali. C'est pas tout à fait réglé, je vais vous en parler un petit peu plus tard. Mais d'abord, on écoute Fatoumata, Diawara, dans la chanson Timbuktu Faso. Faso e mbale mwalu Tombouctou yene faso e ngoyene faso e sinilu Tombouctou yene faso e ngode minzenu be kasir lala ngo Tombouctou de minzenu be hamina Kamale nombe kasila badinya duwe Tombouctou e singia duwe malibaye yankalu yane faso e Ba Ngodondo Wisi. C'est C'était Vieux Farka Touré dans la chanson Safari. C'est tiré de l'album Mon Pays, un album paru en 2013, un album qu'on écoute d'un bout à l'autre sans arrêter tellement il est bon. Les deux prochaines chansons sont de Lobby Traoré et de Issa Bagayogo. Lobby Traoré est loin d'avoir la notoriété internationale de Ali Farka Touré. Mais c'est tout de même Ali Farka Touré qui a produit son deuxième album intitulé Bamako en 1994. En fait, il a tout de même posé quelques pierres fondamentales à l'édifice du blues africain, Lobby Traoré. Seul avec son instrument, il avait enregistré avant sa disparition soudaine en 2010. Il est décédé, hélas, il n'avait pas 50 ans quand il a été remporté par une crise cardiaque. Il avait enregistré tous les morceaux de son album intitulé « Rainy Season Blues » et c'est un des morceaux de cet album-là qu'on va écouter. Le morceau s'appelle « Mokoti Mbando ». Et ensuite, on va écouter Issa Bagayogo. C'est assez curieux l'histoire de ce chanteur malien. Il a été découvert par un ingénieur du son et ancien bassiste d'un groupe français qui s'appelait Double Nelson, c'est Yves Vernet. Il avait découvert en écoutant les anciens enregistrements d'Issa Bagayogo quand il était il était venu dans les studios à Bamako. Lui, il était originaire plutôt du nord du Mali, il était venu dans les studios à Bamako pour tenter sa chance, quoi. Puis ça n'a pas fonctionné. Il est venu une première fois, une deuxième fois. Puis finalement, il était retourné dans son pays, dans sa région rurale la première fois. Mais la deuxième fois, il est resté à Bamako. Il a fait toutes sortes de métiers, chauffeur de taxi, etc., etc. Puis il a comme mis tout ça de côté. Mais quand Yves Vernet a écouté ces enregistrements-là, il s'est dit que ça correspond exactement à ce que je recherche. Ah, ça a pris des semaines d'enquête pour finir par retrouver la trace de Issa Bagayogo et de le ramener en studio. Là, il a passé toute une journée à coucher des nouvelles chansons à enregistrer des nouvelles chansons. Il est ravi à la fin de la journée, tout va bien. Quand il revient le lendemain, il est complètement effrayé par ce qu'il entend. Il sort du studio en courant. En fait, Yves Vermet avait passé une bonne partie de la nuit à ajouter des effets sonores et des rythmes numériques par-dessus la voix, les asperges du Kamele Ngoni de Issa Bagayogo. C'est l'instrument qu'il jouait. Finalement, bon, il lui a expliqué tout le processus technique qui a permis de transformer sa voix, ses chansons. Puis Issa Bagayogo a accepté finalement l'aventure qu'on lui a proposée. Ça a été un succès cet album-là. En 1999, la Radio-Télévision nationale et les professionnels au Mali lui ont décerné le prix du meilleur espoir de la chanson malienne. Et c'est depuis ce temps-là que ça va bien pour lui. On va l'écouter dans une chanson qui a été remixée par Chief Boyma. La chanson s'appelle « Fila ». Mais avant, on écoute Lobby Traoré dans « Moko Tilam Bando ». Johnny baby, you don't know my life, my city, Lavano. Johnny baby, you don't know my life, my city, Lavano. Kabose wu kana bamanyare. Kababoko katanyoro. Walai ameba nyuyono. Walai masiti lavano. Kaboga o katata mautu. Kabota mutu kata wasu. Kabosa lo kata mandi. Walai ameba nyuyono. Walai masiti lavano. Thank you. biju yono manai masiti lavano manai tani bebe yono manai masiti lavano. I don't know.

très charmant ses enfants, n'est-ce pas? Ça me fait toujours drôle quand débute la semaine de relâche parce que j'ai eu le plaisir dans ma vie professionnelle, de coordonner pendant 3 ans la semaine de relâche au Musée de la civilisation ici à Québec. Et c'était un moment complètement fou, mais j'en garde des souvenirs impérissables. C'était au début des années 2000. Il y a de ça déjà quand même 15 ans. Les enfants qu'on vient d'entendre chanter le font dans le dernier album de Awa Sango. Awa Sango, c'est une chanteuse malienne qui n'est pas aussi connue que Fatoumata Diawara, mais qui a aussi autant de carrière derrière elle que Fatoumata Diawara. En fait, elle a été une des 3 chanteuses d'un trio qui s'appelait Lego de Coteba. C'est un trio qui était assez populaire dans l'ouest de l'Afrique, dans l'Afrique de l'Ouest, dans cette région-là du monde. Elle a chanté aussi... Awa Sango, elle a chanté aussi pour Salif Keita, un grand chanteur malien, Ali Farka Touré, dont je vous parlais en première partie de l'émission, Oumou Sangaré, qu'on va entendre ensuite, Manu Dibango, et aussi Amadou et Mariam. Je pense que c'est probablement les artistes qu'on connaît le plus du Mali, Amadou et Mariam. On va sûrement avoir l'occasion de revenir, de vous les présenter. Aujourd'hui, j'avais envie de vous en présenter d'autres qu'on connaît peut-être un peu moins que Amadou et Mariam, mais j'aime beaucoup Amadou et Mariam. C'est du côté des États-Unis qu'elle est allée pour enregistrer son premier album solo paru en août 2014 à Awa Sango. On va écouter de la pièce qu'on va écouter de cet album. Bon, bien sûr, on a entendu Danmi Senyu, cette petite pièce toute courte où on entend des enfants chanter, mais ce qu'on va entendre, c'est Nangaraba. L'album s'appelle Alata. Ensuite, on va écouter une grande vedette féminine malienne, justement pour qui, je vous l'ai dit tantôt, avait chanté à Wasango, c'est Oumou Sangaré. On va l'entendre dans la chanson Donso. Oumou Sangaré est né à Bamako de parents originaires du Wassoulou. C'est une région historique du sud du fleuve Niger, le Wassoulou. Sa mère était chanteuse, c'était la chanteuse Aminata Diakité. Diakité, c'est ça. Dès son enfance, Oumou Sangaré chantait pour aider sa mère à nourrir sa famille. Son père les avait abandonnés. C'est des choses, n'est-ce pas, qui arrivent souvent dans la vie. Ça, hélas, le père s'en va, laisse la mère avec les enfants. À l'âge de 5 ans, elle s'est fait remarquer par ses talents au point où elle a pu se produire au stade Omnisport de Bamako devant 6000 personnes. Elle avait 5 ans. La suite allait démontrer tout le talent de cette femme hors du commun. Oumou Sangaré est considérée comme une ambassadrice du Wassoulou, sa musique étant inspirée des musiques et des danses traditionnelles de la région. Elle a écrit et composé ses chansons qui s'appuient sur une forte critique sociale. C'est des chansons qui concernent notamment la place de la femme et des hommes dans la société. Et compte tenu de ce qui lui est arrivé dans la vie quand elle était enfant, on peut comprendre. Mais il faut quand même être une forte personnalité pour faire ce qu'elle fait. Donc, on écoute Awa Sango dans Nangaraba et ensuite Oumou Sangaré dans Donso. Nangaraba muso bina kolongono fitiri da fa fitiri da fa mora fitiri da fa anangaraba mine fale azetona eni nangaraba mine fale azetona. Nangaraba muso bina kolongono fitiri da fa fitiri da fa mora fitiri da fa kele filanto nangaraba muso bina kolongono fitiri da fa fitiri da fa mora fitiri da fa nangaraba mine fale aseto eni nangaraba mine fale aseto. Thank you. La pente est de la Savarico. Souvent, comme ma fille, la molle, sa belle du madame. Grand-fanning, un amour, grand-fan. Canison, ce cocana, pour y aller, quand il est molle. Canson, ou grand-na, pour chester, frente. Canson, ce bien là, pour y embec, et n'y a molle. Canson, ce sonna, de noya. Pour son molla, son stramala. Son temola, son stramala, de noya. Canison, glo, jrana, pour brick, en frente. Canson ne nguna kwenye dok majnya kwa molo Lolo mbaromo kia la lolo nkrere Mbaromo wabara minkafsa nta bembrare Kunta bembra baro nyo nkujute Kilingkili sate bulunda banani ndi ulo biliate Dosa la do ulula Kwa monjo animba monjo Dajino tafoke furare Ubonte kwa monjo kuru shamani wakilini Utefo inyala nyege mineko Sababu nombo ya diala Te ala kana mpo sabu la niyaro Ene sabu dene mkwani mkoro dauda kubu Jakite karunga sale no bunis mala. Ay manuka me samafaruka me takala. Ay malo uya taro tulungmante alata brulai sale no zrana lanya. Ay manuka me samafaruka me takala. Ay malo saya mani ala tumani kone sale no. Malo we are tata se ale non strana la nye. Sangaré dans la chanson Danza et auparavant Awasango dans Nangaraba. Le prochain artiste qu'on va entendre s'appelle Anansi Sissé. C'est assez paradoxal de vous dire que c'est les événements, les troubles qui se sont produits au nord du Mali qui nous ont permis de connaître cet artiste, qui lui ont permis d'acquérir une envergure internationale, mais c'est un fait. Il y a toujours des choses meilleurs qui sortent du pire. Et dans ce cas-ci, bien, cet artiste, en fait, il a dû quitter. Il n'a pas eu le choix, il fallait qu'il s'en aille parce que les intégristes musulmans n'aimaient pas du tout la musique, mais alors là, pas du tout. Il a gagné une réputation internationale. Il a électrifié surtout sa musique et c'est fort intéressant ce qu'il a fait. On va écouter au fond une chanson tirée d'un album qui s'appelle Mali Overdrive, un album paru en 2014. Il est Anansi, c'est A-N-A-N-S-Y en passant, si c'est. Ça me permet de vous dire. Petite parenthèse, vous dire que tout ce que j'ai fait jouer aujourd'hui, toutes les émissions précédentes, tout ça, vous retrouvez les noms, les titres des chansons, les noms des artistes sur le blog de l'émission Les Oreilles Ailleurs, en un seul mot, lesoreillesailleurs.net. Vous allez là, vous allez tout trouver. Et même les anciennes émissions, il y a le podcast, la balado-diffusion qui est sur chacune des pages consacrées à chacune des émissions. Sinon, vous allez sur le site www.ckrl.qc.ca ou chercher Les Oreilles ailleurs dans la programmation. Vous allez trouver les podcasts des trois dernières émissions, je crois. Trois ou quatre dernières émissions. Parlant de réputation internationale, on va terminer cette émission consacrée au Mali avec une chanson du groupe Touareg malien Tsinariwen. La chanson est extraite d'un album qu'ils ont enregistré aux États-Unis parce qu'il leur était pas possible de le faire dans leur pays. Tsinariwen, c'est un groupe qui s'est battu militairement contre les autorités, notamment maliennes, mais pas seulement maliennes. En fait, c'est assez compliqué cette histoire-là. Il y a des Touaregs dans quelques pays, le Mali, mais d'autres à côté, qui se battent pour tenter le Niger, entre autres, l'Algérie, etc., qui veulent finalement créer un territoire indépendant pour les Touaregs. C'est tout à fait légitime. Dans le cas de ce qui s'est passé dans le nord du Mali, c'est autre chose. Même Tsinariwen a souffert de ces extrémistes musulmans qui se sont emparés du nord du Mali parce qu'ils n'ont pas pu enregistrer leur dernier album-là. Ils ont dû le faire aux États-Unis. Et on va écouter, pour terminer l'émission, une chanson qui s'appelle Adonia Tsi Chidret. Et c'est tiré de l'album Inside Outside Hosua Tree Acoustic Sessions. C'est le désert de Josué aux États-Unis, Hosua. Donc, Inside, Outside, Our Side, pardon, Inside, Our Side, Hosua Tree Acoustic Sessions. C'est un album qui a été enregistré en 2014 aux États-Unis par le groupe Tsinariwen. Allons-y avec ces deux dernières chansons pour l'émission d'aujourd'hui. Et tout mignon. dono ni fati ni kwe ni juye na la ye do ni fati ni kwe ye kunya kerebe ni fati ni kwe الزهورة للشجريد قيزة كرم بالند والرقيزة قود النيد قيزة كرم بالند قيزة قود النيد للزهورة انا اللي خجريت بيذاكر من توقف زي قول النيت ذاكر من توقف زي قول النيت نظمي تنري نري شجريت ودي قاسدي نمكسان للعنصري يديت ودي قاسدي نمكسان صوري يديت لا ساورة للي خجري قيسا كرم بالند قيسا قود النيد